comando, comando, mapé, mapé, puxi, puxi, puxi, gato, com gato, gato, que mene, mene, que mene, mene, que eu sepa, o pepa, pepa, laca, o laca, laca, xixé, qual é o ponzo, comando, comando, mapé, mapé, puxi, puxi, puxi, gato, com gato, gato, que mene, mene, que mene, mene, que eu time to join Ruby Rod and Corbin Dallas, the lucky winner of the Gemini Croquet. It's not how I want it. make some noise. Son jump, si tu kiffes sur le son. la rythmique snare. Ça claque même à l'envers, voice. Ma voix t'explique l'affaire, bouge. Ton cul devant le son pleure. Ta mère tellement que c'est bon plante. Ta tête bien dans le caisson. Y a tout le monde qui lève les bras.